Thank you. Le projet Biobazar et la pièce Matana. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, mon nom est Mathieu Plante et dans quelques secondes à peine, ce sera le début de l'édition anglophone des Palmarès CIFU. Studio de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès C'est Fou, édition anglo. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la période du 18 au 24 novembre 2009. Je m'appelle Mathieu Plante et maintenant, comme ça, à tous les mercredis et jeudis entre 13h et 15h, je vais animer deux éditions séparées des Palmarès C'est Fou. Les mercredis, ce sera l'anglophone et les jeudis, le francophone. Et puis, ça sera condensé le vendredi soir entre 17h et 20h pour former les Palmarès C'est Fou, un peu comme dans le temps. Pour les gens qui veulent rester le vendredi, vous pourrez le faire. Que l'occasion est donc belle. Donc, Palmarès anglophone, aujourd'hui, on a deux nouvelles entrées. Parlor Steps et Air. C'est Air qui va commencer le bal. Et on va savoir d'ici la fin de l'émission si Tegan et Sarah gardent toujours leur première position avec Hell. Mais tout de suite, voici So Light is Her Footfall par Air dans les Palmarès. C'est fou! Numéro 19. La formation canadienne Parlor Step, c'est Miraculous de leur album The Hidden Names, ici dans les palmarès CIFO édition anglo. Allez voir myspace.com/Parlor Steps si vous les aimez. Et avant ça, on a entendu Air en position numéro 20 avec So Light Is Her Footfall. C'est aussi nouveau et c'est un groupe français, Air, avec leur album le plus récent, Love 2. Vous êtes, comme je le disais, dans les palmarès CIFO édition anglophone. On continue jusqu'au numéro 1 qui, en passant la semaine dernière, était Hell de Tegan and Sarah. Est-ce que ça tient? Mais quelle excellente question de votre part! Il faudra attendre d'ici à la fin de l'émission pour le savoir. On va aller écouter tout de suite les positions numéro 18 et 17. Commençons par la 18e qui descend de la 11e place. 11e. Voici. je me fais donc rire, moi. Ça n'a même pas d'allure. Comment je me fais rire? On va aller les entendre, Bed of Skulls, dans quelques minutes. Mais avant ça, je vous rappelle qu'à partir de 15h aujourd'hui, ce sera Assemblage requis avec moi et mon bon ami Kiwan. Ça commence donc dans 2 heures, un petit peu moins que ça. Donc tout de suite, voici Band of Skulls et Fires dans les palmarès C'est fou anglophones au 89.1 FM. Darling, dark face, honey. numéro 17. Tommy T, The Call, ça monte de 3 places, c'est en 17e position anglophone, c'est de son album The Prester John Sessions, dans les palmarès, c'est fou, édition anglophone. Tommy T, que vous connaissez peut-être de Google Bordello, hein, c'est comme ça qu'on dit ça, Google Bordello, c'est bien dire avec un accent comme ça, ça fait plus cute. Avant Tommy T, on a entendu Band of Scars avec Fires, ça descend de la 11e place, 12e semaine pour Band of Scars, je crois que c'est sur sa fin, mais j'espère qu'il va y avoir d'autres pièces de Band of Scars. L'album s'appelle Baby Darling Dollface Honey. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, ici au 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. On est dans l'édition anglophone pour l'instant. On avance, on continue comme ça. On va aller entendre les positions numéro 15 et 16. Commençons par la 16e. Voici A History of et Munition Ships qui était nouveau la semaine dernière. Ça monte de 3 places. Vous êtes au palmarès, c'est fou. We'll be right back. History of avec Munition Ships en 16e position anglophone. Ça monte de 3 places et c'était nouveau la semaine dernière. Restez avec nous parce que tout de suite après la pause dans les palmarès, c'est fou anglo, il va y avoir Steve Hill, Priestess et Marcy Playground. C'est fou ton char. 89-1-1. Numéro 15. Numéro 14. numéro 13. She sang, I promise you I won't fly away. Blackbird, tell no lies. Blackbird, you caught my eye, but the rain has taught me that you will. Just as soon as the skies turn gray. Thank you, rain. Thank you, rain. Wash away all my clouds, beautiful skies today. You'll chase them until your dying day. Thank you, rain. Thank you, rain. Mercy Playground et Blackbird en 13e position anglophone. Ça descend de la 6e place. Avant ça, on a entendu Priestess et Recognize en 14e. Et Steve Hill and the Majestics avec The One qui monte de 2 places en 15e position. Vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou, édition anglophone qui se continue encore pour un bon moment. Et soyez à l'écoute demain, jeudi, entre 13h et 15h pour entendre les palmarès francophones. Et le vendredi soir, entre 17h et 20h, c'est maintenant le condensé en version écourtée des deux palmarès ensemble. Donc, pour les habitudes du vendredi soir, soyez-y entre 17h et 20h. Plus tard dans l'émission, il va y avoir You Say Party, We Say Die et The Mars Volta. Mais avant, voici la 12e position. Elle descend de la 5e. C'est Spiral Beach et May Go Round. Et le Mania, vous êtes au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Et allez voir le www.cfou.ca pour nous écouter en direct sur Internet. Pourquoi pas? For me. numéro 11. Mars Volta et Cotopaxi qui descend d'une place, c'est en 11e position anglophone, l'album est hot, Headrun. Avant ça, il y a eu Spiral Beach et Mego Round and Mania qui, elle, descend de la 5e pour venir se loger en 12e. Donc, pas pire chute ça, pour Spiral Beach, mais j'adore la pièce, peut-être que ça va remonter, on sait jamais. On sait jamais que les pièces du palmarès, ça virevolte comme un... C'est quoi l'affaire que quand tu ouvres dedans, ça tourne? Hein, les gars, cette affaire-là? Une crécelle, appelons-la même. Donc, vous êtes dans les Palmarès C'est Fou, édition anglophone. Il nous reste encore les positions 10 à 1. Donc, on vient d'atteindre la moitié du palmarès. Ça va très bien. La musique est très bonne, très variée surtout, hein? C'est vrai. On va aller écouter tout de suite la 10e position. Voici You Say Party, We Say Die et There's Love Within My Heart. Ça descend malheureusement de la 3e place. Donc, chute de 7 positions dans les Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. Ah oui. Et en passant, assemblagerequis.com pour en savoir plus sur les palmarès et pour télécharger la balado à chaque semaine, assemblagerequis.com. When the morning comes and I don't wanna face the daylight. When the morning comes and I can't make my body rise. When the morning comes and the darkness presses on all sides. When the morning comes I have to fight.

Pete Yorn et Scott Johansson avec Relator en 9e position anglophone. Ça descend de 5 places. Avant ça, on a eu You Say Party, We Say Die avec There's Love Within My Heart. Ça descend de 7 places pour venir s'insérer en 2e comme Love, Love, l'amour, c'est insère. Bref, bon. Vous êtes dans les paroles assez fous, édition anglophone. On se roule ça jusqu'à la première position. Hein. On a 20 positions anglophones, 20 francophones. Si vous voulez entendre les 20 francophones, soyez à l'écoute demain jeudi entre 13h et 15h ou encore le vendredi. Ben restez là parce que ça va continuer hein, l'émission. Et le vendredi en condensé entre 17h et 20h. Pour ceux que ça intéresse, soyez-y donc. On est rendu aux positions, en fait, à la 8e position. Il y en a plus deux de chaque bord quand on fait ça séparé de même. Donc, tantôt, on va entendre du hockey et du metric, mais on débute le bloc avec la 8e position. Voici DJ Champion et So Big qui monte de la 14e. Vous êtes au Paparazzi Fou et c'est au 89 FM. Yeah. DJ Champion et So Big en 8e position. Ça monte la 14e. Vous êtes dans les Palmarès et Fou édition anglophone. On continue avec la 7e. Elle monte de la 13e place. Voici Twilight Galaxy de Metric. Metric et Twilight Galaxy en 7e position anglophone du palmarès de C'est fou que vous écoutez en ce moment. avec Mathieu Plante. Hein? Vous trouvez que je parle pas beaucoup dans cette émission-là? Vous devez être content aussi. Ah, bon. On continue avec la sixième. Voici Hockey et tout fait qui monte de trois places. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Hockey et Too Fake en sixième place, ça monte de 3 de l'album Mind Chaos. Vous êtes dans les Palmarès C'est Fou édition anglophone, on est rendu à la cinquième position, elle monte de 3. Voici Alice in Chains and Last of My Mind. Here I'm seeing for you! Non, avec la pièce Last of My Mind. Ah. L'anglais embarque facilement des fois pour le monde. Vous êtes au 89 FM. Show you. Alice in Chains et Last of My Mind en position numéro 5. Ça monte de 3 places du côté anglophone. Leur album s'appelle Black Gives Way to Blue. Hein? On continue avec la 4e position de ce palmarès anglophone qui continue pour encore un bon petit moment, je dirais. Voici la formation Islands et Vapors. Quoi dire de plus? Aucune idée. The vapors might make you wet. Well, I hope I satiate. Whom I entertain. Hoping you get dancing feet. Hoping that you like a bean. And I hope you don't complain. Numéro 3. Maybe I should explain. Noisemaker de 2 Hours Traffic au numéro 3 anglophone cette semaine dans Pomarès. Ça monte de la 7e position. On a déjà presque terminé, oui, le palmarès anglophone. On se rend jusqu'au numéro 1, évidemment. Numéro 1 de la semaine dernière qui était Hell par Tegan and Sarah. Est-ce que ça tient? Il nous reste que 2 positions pour le savoir. Donc, c'est soit ça qui va jouer maintenant ou qui va jouer après la pièce qu'on va aller entendre. Hein? Le mystère est encore là pour un petit bout de temps. Hein? Si vous écoutez en direct le mercredi, dans quelques minutes à peine, juste après le numéro 1, on va embarquer dans la portion extra, si on veut, du palmarès, où je vais passer du top 30 albums, du top 10 loud et du top 10 électronique dans un beau petit mélange d'une demi-heure. Si vous écoutez le vendredi soir, eh bien, restez là parce qu'on va entrer directement dans le palmarès francophone dans quelques minutes à peine. Bon, donc on est rendu au numéro 2. Je vous dis pas c'est qui. Devinez en écoutant si c'est soit Tegan and Sarah, le numéro de la semaine passée, ou autre chose. Vous êtes au palmarès, c'est fou, édition anglophone. Downtown track. Et en première position... Le grand numéro 1 du palmarès anglophone de cette semaine, avant de nommer le numéro 1, faisons un petit récapitulatif à partir de la troisième position. En troisième, donc, Noisemaker avec la formation Two Hours Traffic. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Tegan and Sarah avec Hell. Et en première place, ça monte d'une place, Échange, Switcheroo, pour la formation We Are Wolves et leur morceau Paloma de l'album Invisible Violence ou Invisible Violence. Les auditeurs du vendredi, ben restez à l'écoute hein, parce qu'on va revenir juste après la pause avec le palmarès francophone qui va suivre. Si vous écoutez en direct le mercredi, il nous reste encore un petit demi-heure, on va se manigancer un top 10 électronique. En fait, on va passer du top 3, mais du top 10 électronique. Un petit peu de top 30 des albums et peut-être même du top loud. C'est pour la dernière demi-heure, le petit extra si on veut. Hein. Et pour le palmarès francophone, ben ce sera demain, jeudi à 13h. Bref, restez avec nous où que vous soyez, quoi que vous faisiez, c'est les palmarès, c'est fou! À découvrir. C'est fou de la scène émergente. Émergent. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. Et bon retour, c'est les palmarès C'est fou qui se poursuivent en direct sur les ondes de C'est fou. Je m'appelle Mathieu Plante. C'est la demi-heure additionnelle, la demi-heure d'extra, la demi-heure saucisse bacon additionnelle sur le côté. C'est comme un petit side dish, hein, comme on appelle. On va se préparer un petit mélange des autres palmarès parce que pour ceux qui ne savent pas encore, les palmarès C'est fou, c'est plus que seulement un top 20 franco et un top 20 anglo. C'est aussi le top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 électronique et le top 10 loud. Le top 10 électronique, la façon qui fonctionne, mais c'est qu'on va jouer les trois premières positions. Donc, c'est pas mal ce qu'on va faire d'une bonne partie de cette extra aujourd'hui. On va commencer par le numéro 3. Voici tout de suite Vitalik et Flash Mob. Stable en troisième, c'est dans le palmarès électronique de C'est fou. Mm-hmm. Le projet français Vitalik et l'album Flash Mob. La pièce s'appelle Poison Lips, mais comme le top 10 est un top 10 d'album, on va dire que l'album est Flash Mob. On s'en va à la deuxième position du palmarès électronique tout de suite. Voici Drapa, l'album A Well Orchestrated Plan. Voici Thread, ce groupe américain Drapa. Dans les palmarès, c'est fou. Portion extra, ou appelez ça comme vous voulez. La formation américaine Drapa, stable en deuxième avec A Well Orchestrated Plan dans le palmarès électronique de ses fous. Avant ça, on a entendu la troisième position. Est-ce que j'ai dit pièce? Il va falloir que je m'habitue, sérieusement. L'album s'appelle A Well Orchestrated Plan et la pièce qu'on vient d'entendre s'appelle Thread. En troisième place, juste avant, c'était Vitalik, l'album Flash Mob et le morceau s'appelait Edward Witten. Ça, c'est un projet québécois. On va se quitter bientôt avec le numéro 1, mais avant de se quitter avec le numéro 1, je vais vous dire qu'il y a quelques nouvelles entrées dans le Top 10 électronique. On parle en 10e de la compilation d'artistes variés Waveform Transmissions Volume 2. En 8e, Collide avec These Eyes Before. Et en 5e, Velvet Acid Christ avec The Art of Breaking Apart. Si vous voulez entendre le Top 10 électronique au grand complet, syntonisez votre radio sur www.cif.ca. En fait, ne syntonisez pas votre radio du tout sur un site web parce que ça ne fonctionnera pas, je vous dis d'expérience. Écoutez la radio en direct les samedis soirs à partir de 21h pour l'émission Le Vestibule avec Jean-François Fecteau. Et sur Internet, c'est le www.cifou.ca. Voilà. Donc, cela étant dit, nous, c'est presque la fin des palmarès. On va se quitter avec le numéro 1, Spaceful of Astronauts. L'album s'appelle Nano Music et la pièce est... Colin, j'ai de la misère, ça n'a pas d'allure. La pièce de ce numéro 1 de Spaceful of Astronauts s'appelle Edward Witten. C'est de Vitalik tantôt, c'était Poison Lips. Comment mélanger mes affaires, hein? Ça n'a aucun sens, mais bref, le palmarès électronique ressemble à peu près à ça. À quelques poils près, un jour, je m'habituerai à les dire correctement. Hein? Demain, à l'émission, soyez là à partir de 13h, hein, parce qu'il y a un autre palmarès, c'est la version francophone. On va avoir plein d'artistes super bons là-dedans, dont Mimi Van Der Glow, We Are Wolves, Chinatown, Yann Perrault, les Fatal Picard, tout ça demain à partir de 13h. Et on ira sûrement fouiller dans le top 10 Loud pour aller entendre un petit peu de Sacrifice, Megadeth, Baroness. Et on va sûrement aussi jouer dans le top 30 des CD, tout ça demain à partir de 13h pour le palmarès francophone et l'extra, comme de fait même. Donc, restez avec nous à partir de 15h, il va y avoir Assemblage Requis avec moi et Key One. Puis c'est ça, ben, on se quitte avec le numéro 1 du palmarès électronique. Et là, je vais dire comme faut, hein, tant que je peux me reprendre ici. Voici Spaceful of Astronauts et Edward Witten. Vous êtes assez fous, 89 FM. Elle a une première à tout, tu sais. Hein? Même quand t'es pas bon. Assemblagerequis.com pour la balado-diffusion de l'émission, juste au cas où je l'aurais pas assez dit.